can thank a man. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gameuzou, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 13 septembre, nous souhaitons une bonne fête aux aimés, ça vient du latin signifiant aimer des dieux. Plutôt introverti, les aimés paraissent au premier abord doux, calmes, réservés, peu expressifs et possèdent un bon contrôle d'eux-mêmes. Néanmoins, ce sont des hommes forts, stables, déterminés, sérieux, faits pour prendre et assumer des responsabilités. Ils sont séduisants tout en restant simples et naturels et ressentent le besoin de plaire et d'être admirés, soucieux de leur image. Travailleurs et perfectionnistes, ils font preuve d'une conscience professionnelle certaine. Ils sont aptes à diriger, ont des capacités d'organisation importantes et sont plus à leur aise dans les activités de création que d'exécution. Efficaces, actifs et entreprenants, ils sont ambitieux et avanceront dans la vie lentement mais sûrement grâce à leur volonté, leur discipline et leur opiniâtreté. Ils ne rechignent pas devant la tâche à accomplir, étant de la trempe des coureurs de fond. Ils sont aussi honnêtes, droits, consciencieux, non dépourvus de fierté et détestent la médiocrité, la bassesse et la superficialité. Toutefois, paradoxalement, s'ils sont capables d'une grande patience pour les choses importantes de l'existence, notamment dans le domaine professionnel, ils peuvent au contraire se montrer brusques et manquer de modération pour les petits faits mineurs du quotidien. Mais la colère leur sied si bien. Ils sont particulièrement disciplinés et volontaires et tendraient même à un certain autoritarisme. Une fois engagés dans une voie, ils ne se découragent pas aisément et ne changent pas facilement d'idée. Plutôt conservateurs, les aimés ont les pieds sur terre et font preuve de sang-froid et d'efficacité. Ils sont plutôt possessifs malgré leur élan de générosité. Dicton du jour, à la Saint-Aimé, point de mouton affamé. Pas de célébration aujourd'hui et ça s'est passé un 13 septembre. En 2007, c'était l'adoption de la Déclaration des droits des peuples autochtones. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec le chanteur Peter Cetera et le titre Glory of Love. Tonight it's very clear as we above lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you alone. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart to see you cry. Le chanteur Peter Cetera sur RGM, il est presque 8h37, on est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Il s'en est un 13 septembre 1937, naissance de Don Bluth, dessinateur animateur américain, surtout connu pour ses films d'animation, assistant animateur sur La Belle au Bois Dormant, Merlin l'Enchanteur et animateur de Robin des Bois, Les Aventures de Bernard et Bianca, Les Aventures de Winnie l'Ourson ou encore Rox et Rookie. 1944, naissance de Jacqueline Bisset, actrice britannique vue dans Bullitt dans le rôle de Cathy, Le Crime de l'Orient Express dans le rôle de la comtesse d'Andreni, à la télé dans Ally McBeal ou encore Rizzoli and Hyde. C'est également l'année de naissance de Peter Cetera, musicien américain, chanteur et bassiste, et il a fait partie du groupe notamment Chicago. 1951, naissance de Jean Smart, actrice américaine connue pour son rôle de Martha Logan dans les saisons 5 et 6 de la série 24 heures chrono, vue également dans Hawaii 5-0 ou encore Fargo. 1952, naissance de Randy Jones, chanteur américain, membre du groupe Village People. On écoute tout de suite un extrait de leur tube YMCA. Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man, there's a place you can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the Voilà pour l'extrait du titre, hein, YMCA des Village People. 1967, naissance de Michael Jackson, athlète américain considéré comme l'un des plus grands sprinteurs de tous les temps, avec 4 titres olympiques, 8 titres mondiaux. Il a aussi détenu pendant 17 ans le record du monde du 400 mètres et pendant 12 ans le record du 200 mètres. 1968, naissance d'Emma Sosberg, actrice suédoise connue pour son rôle de Petra dans Taxi 1, 2, 3 et 4. 1970, naissance de Louise Lombard, actrice britannique connue pour son rôle de Sophia Curtis dans la série télé Les Experts. 1971, naissance de Stella McCartney, styliste britannique, fille de Paul McCartney. 1973, naissance de Fabio Cannavaro, ancien footballeur italien, ayant fait sa carrière de joueur de 1992 à 2012 en jouant à Naples, Parme, à l'Inter de Milan, à la Juventus de Turin, au Real Madrid, de nouveau à la Juventus, et il a terminé sa carrière en jouant au club de Al Ahly. Et à noter qu'il a été Ballon d'Or hein, en 2006 ainsi que champion du monde en 2006, on s'en souvient. Il est entraîneur depuis 2014, il a entraîné Guangzhou Evergrande, Al-Nassr, Tianjin Kangjian, à vos souhaits, c'est pas forcément évident, et il est de nouveau l'entraîneur du club de Guangzhou Evergrande. C'est également l'année de naissance de Christine Aron, athlète française spécialiste du sprint qui fut championne du monde du relais 4 fois 100 mètres en 2003 et détentrice depuis 1998 du record d'Europe du 100 mètres en 10 secondes 73 aux Jeux Olympiques. Elle compte une médaille de bronze. Au championnat du monde, elle compte donc une médaille d'or, mais également une médaille d'argent et 3 de bronze. Et en championnat d'Europe, 2 médailles d'or et une d'argent. 1975, naissance de Patricia Spéard, comédienne française, mais qui fut Miss France 1997. 1977, naissance de Fiona Apple, chanteuse américaine, dont on écoute tout de suite un extrait du titre Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Voilà pour l'extrait du titre de Fiona Apple. On continue les anniversaires. 1989, naissance de Thomas Müller, footballeur allemand qui évolue depuis 2008 au Bayern Munich. 1993, naissance de Niall Horan, chanteur et musicien irlandais qui fut membre du groupe One Direction, mais depuis leur séparation, il fait une carrière en solo. 1995, naissance de Robbie Keane, acteur britannique, vu dans Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, dans le rôle du fils de Colnas, Pinocchio au cœur de bois, dans le rôle de Pinocchio, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, la série télé Once Upon a Time, dans le rôle de Peter Pan, et apparu également dans Grey's Anatomy. En 1592, décédé Michel de Montaigne, écrivain et philosophe français, précurseur et fondateur des sciences humaines et historiques en langue française. Et en 1996, décédé Tupac Shakur, rappeur américain, dont on écoutera un titre en fin d'émission, mais là on va écouter Niall Horan avec son titre Slow Hands. Cause I want you bad. Yeah, I want you, baby. I've been thinking about it all day, and I hope you feel the same way. Yeah. Cause I want you bad. Yeah, I want you, baby. Slow, slow hands. Like sweat dripping down my head. Laundry, no, no chance that I'm leaving here without you on me. I know, yeah, already know that there ain't no stopping your plans. No, so hands. Yeah, I want you, baby. Slow, slow hands. Like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving you without you on me. I know, yeah, I already know that there ain't no stopping your plans. And those slow hands. Fingertips putting on a show. Got me now and I can't say no. Wanna be with you all alone. Take me home, take me home. Fingertips putting on a show. Can't you tell that I want you, baby? Yeah. Slow hands, like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving here without you on me. Loran sur le 107 FM. Et avant de parler de la météo, hier nous avons appris le décès du chanteur Rachid Taha, notamment à l'origine du groupe 1, 2, 3 Soleil, aux côtés de Khaled ou encore Fodel. Allez, il est 8h46 et on fait un point sur la météo. La météo. Alors, les éclaircies matinales commencent déjà un petit peu à disparaître. Malheureusement, les nuages font déjà leur apparition puisqu'une dégradation est à prévoir pour la fin de matinée et pour cet après-midi. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 21 et 23 degrés pour cet après-midi. Mais pas de panique, hein, le retour des éclaircies se fera dès demain avec des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés l'après-midi. Et samedi, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin et entre 19 et 21 degrés prévues pour samedi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le cyclisme et la Vuelta. L'étape d'hier a été remportée par Woods. Le premier français s'est classé 33e. Il s'agit de Thibaut Pinot. Un mot de tennis avec le tournoi de Québec et la qualification de Pauline Parmentier en 3-7 face à Emkel. 6-2, 4-6, 7-5. Pauline Parmentier jouera son quart de finale demain. Un mot de handball, messieurs, avec la Ligue des Champions, pardon. Et le Paris Saint-Germain qui s'est imposé à Zaporozhye 29 à 35. Ligue des champions toujours, mais cette fois en football féminin. 16e de finale aller, Lyon s'est imposé 2-0 sur la pelouse des Norvégiennes d'Avaldsnes. Et le Paris Saint-Germain a battu les Autrichiennes de Saint-Polten 4-1. Football toujours, on connaît les affiches des 16e de finale. Et Metz recevra le club d'Avaldsnes. On va parler du Goyoris qui avait été arrêté en état d'ébriété. Et ben, il est passé au tribunal hier. Suspension de permis pour 20 mois, 56 000 euros d'amende. Et à noter qu'il a également été sanctionné par son club de Tottenham avec une suspension de salaire. Un mot de volley maintenant avec les championnats du monde et la France qui a très bien débuté en s'imposant 3-7-0 face à la Chine. Aujourd'hui, il va falloir affronter l'ogre brésilien à 20h30. Et on termine avec du basket et les qualifications pour le Mondial 2019. Ce soir, la France affronte la Bulgarie. C'est à Sofia. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Tupac et le titre California Love. Like Elliot Ness, the track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. up on the scene. I'm hearing Hoochie screaming, fiending for money and alcohol. The life of a West Side player with cows die in a strong ball. Only in Cali will we riot, not rally to live and die. In LA, we wear chucks, not valleys. Yeah, that's right. Dressed in loafs and khaki suits and ride is what we do. Flossing but have caution, we collide with other crews. Famous because we throw jams. Worldwide, let them recognize from Long Beach to Rosecrans. Bumping and grinding like a slow jam. It's West Side, so you know the road will bow down to no man. Say what you say, but give me that bomb beat from Dre. Let me serenade the streets of LA. From Oakland to Sac Town, the Bay Area and back down. Cali is where they put they Mac down. Give me love. California Love, Tupac sur RGM, 8h54, tout juste passé de quelques secondes. On fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 10h, vous retrouverez Les Oreilles du Monde avec Camille et Flo. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, Clip Clap, on tourne. 16h, Les Années Bonheur avec Gilou. 20h, Jukebox. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.